morceau. On te fait oublier tes envies, ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la DJ. J'ouvre le pas, j'ai été élevé avec la dalle. Dans hip hop, j'galope, aïe, pas à cheval. J'cavale, j'te laisse mes empreintes lyricales. Va au comico, je les ai laissées en digital. Comme un tatouage, la hache est collée sur ma peau. On veut draguer la vie, mais cette pute nous met des râteaux. On nous mène en bateau, car on est issu du ghetto. Le béto te fait planer, donc t'as pas besoin d'hélico. L'été, ça part pas, ça l'air gars sur Paris plage. À Vauban, GLS, destination de bronzage. Wesh, la famille, oublie les soucis, arrête de râler. Viens kiffer la chire, mets-toi bien et laisse-toi aller à l'aise. Je suis accompagné des dealers de 16. Sniff pas trop la rime, car tu risques d'en faire un malaise. Mouvement authentique, réputé pour mettre la barre haute. Nique la tectonique, c'est pour les danseurs de si haut. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Car si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Mais gros, c'est la chire, impossible de rester passif. On guette les papiches, rien qu'on se lèche les babines. J'veux pas baisser le calcif, non. Mais c'est trop dur lorsque leurs glos sont des putains de gouttes de pêche et de cassis. Si on cesse les trafics, négro, c'est pour le gros lot. Ici on fait le cachet vite, t'inquiète, on fourre le chrono. On rêve de thunes, t'analyses pas. Je veux pas goûter à la vie de star. Je veux le cacher, bye bye, hasta la vista. Mes rimes sortent comme des coups de fusil, pas de bol. Si tu vises le pactole et que tu rimes comme pussy cat dolls. Si si y'a de la chaîne, lyrics missile à la chaîne. Lève ton verre, négro, chin chin à la tienne. On serre les coudes, s'il y a des jazz à se faire les tours. Je continue de faire mes coups, même si les keufs serrent les tours. Un cataclysme, négro. J'éclate ta clique, passe-moi le spliff, passe leur chroma et c'est la cataphysique. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Ça vient de Haute-Seine, la banlieue parisienne, où on aimerait nous nettoyer au Karcher, soi-disant parisienne. On a la haine, le hip-hop qui coule dans nos veines, slur dans l'âme, tu le verras même dans mon ADN. Dans ma rue, ça lève des bécanes, lave du salaire à Bécam, et tâte avec des meufs du sud par webcam. Je vois mon cou rouler en Maserati, sans pour autant se coucher au sol comme Materazzi. Ici Materazzi, tu veux nous bloquer, mais on lâche pas, même si on sec noir et la piste. C'est comme ces soirées by night, 4 noix dans un 4x4 qui finissent matraqués sous les maglites. Le rap, c'est tout ce qu'on a, connard. Sénégal, Comore, barbare comme Conan. On matraque le beat, on massacre les feats. Hustler, Coma sur le même titre, mouvement authentique. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Si j'ai envie, viens on te conduit. Le temps du morceau, on te fait oublier tes envies. Ça y est, c'est parti. N'écoute pas les ondes, t'es le bienvenu dans la délinquance. Partie.